Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours au rendez-vous. Aujourd'hui dans la chronique, et pour vous mettre du baume au cœur, je contredis l'idée souvent répandue qu'il n'est question que de lutte sanglante pour la survie dans le monde animal. J'ai donc choisi de vous parler de coopération et d'entraide dans la nature. Quant à l'invité que je reçois aujourd'hui à mon micro, c'est une surprise. Restez à l'écoute pour la découvrir. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Tous pour un pour tous, c'est la devise des mousquetaires, héros d'Alexandre Dumas. Chacun de ces bretteurs a ses indéniables qualités, mais aussi ses pesants défauts. Qu'importe, ensemble, ils deviennent légendaires et dépassent tous les obstacles. Mais, minute, dans le règne animal, est-ce que ce genre d'association est uniquement réservé à la fiction ? On imagine bien souvent que le monde animal est sanglant et impitoyable. Les prédateurs mangent les proies et une lutte constante et invariable anime toutes les créatures vivantes pour survivre et transmettre leurs gènes à leur descendance. Mouais. Mais ce serait un peu simpliste, non ? Affirmatif. Sans sombrer dans une vision bisounours du monde sauvage, il faut bien admettre que s'entraider présente bon nombre de qualités. Prenons les prédateurs, par exemple. Lorsqu'ils sont seuls, l'énergie dépensée pour se nourrir est énorme et l'effort n'est pas toujours couronné de succès. Mais à plusieurs, ils augmentent leur succès sous réserve, bien sûr, de s'entendre suffisamment bien pour partager leur butin. C'est ce que font les lions, les loups, les hyènes et les orques, par exemple. On trouve aussi de la chasse collective chez les oiseaux, comme les pélicans qui encerclent les poissons et les buses de harisse. Même chez les araignées, on peut trouver de la coopération. Certaines espèces sociales tissent d'immenses toiles collaboratives capables de piéger de grandes proies qui peuvent faire jusqu'à 10 fois leur taille, contre seulement 2 fois leur taille quand elles chassent en solo. Mais les proies aussi ont tout intérêt à la jouer collectif. À plusieurs, on sème les prédateurs. Les rapaces ont plus de difficultés à se saisir d'un oiseau noyé dans une nuée de congénères qu'un animal isolé. Pareil sous l'eau, dans les bancs de poissons ou parmi les troupeaux de gnous et de zèbres. Plus on est nombreux, moins on est vulnérable. Se noyer dans la masse, c'est une chose, mais riposter en est une autre, comme chez les bœufs musqués, ces impressionnants bovidés du Grand Nord, qui forment un cercle autour des plus jeunes et présentent aux loups leurs cornes et leurs sabots prêts à en découdre. Les oiseaux comme les choucas ou les hirondelles font ce qu'on appelle en anglais du mobbing. Ils peuvent, à plusieurs, chasser un rapace ou un chat qui s'approcherait un peu trop près de leur nid. Seulement, toutes ces coopérations précédemment évoquées s'établissent entre individus de la même espèce. Il arrive même souvent que ces comportements d'entraide apparaissent au sein d'une même famille. On peut donc penser, dans ces cas-là, que la coopération peut être motivée par la génétique. Je m'explique. En aidant les autres qui partagent le même patrimoine génétique que lui, l'individu se rend aussi service. Certains scientifiques, comme Richard Dawkins, auteur du livre « Le gène égoïste » paru en 1976, défendent ce point de vue. C'est dans l'intérêt de ses gènes, qui vont être davantage transmis, et non de son intérêt personnel, que l'individu va aider ses congénères. Il est par exemple courant chez certains oiseaux que des jeunes restent aider leurs parents à élever la génération suivante de frères et sœurs, plutôt que de se reproduire eux-mêmes. Malgré tout, puisqu'ils ont les mêmes parents, les gènes de l'assistant sont tout de même transmis via ses frères et sœurs. Alors grande question, est-ce que l'entraide existe entre individus d'espèces différentes ? Eh bien oui. Certains animaux s'associent et collaborent activement, et ce, dans des domaines différents. Déparasitage, tours de garde. On parle de mutualisme. Chaque participant sort gagnant de l'échange. C'est le cas par exemple des singes langurs et des cerfs axis qui vivent en Inde, sur le territoire des tigres et d'autres rapaces redoutables. Cette relation a été largement décrite par Paul Newton dans son article publié en 1989 dans le journal Ethology. Bien que tous deux herbivores, singes et cerfs ne sont pas en compétition. Les singes se nourrissent de fleurs, de fruits, dont ils laissent tomber une grande partie au sol, près de 4 kg par jour, pour le plus grand plaisir des cerfs qui s'en régalent. Autre avantage, leurs sens sont complémentaires pour écarter les menaces. Les cerfs ont un excellent odorat, pendant que les langurs, eux, voient très bien et très loin. L'accord est ainsi passé. Le premier qui détecte quelque chose de louche pousse un cri d'alerte et prévient ses voisins. Les cerfs ont donc appris à réagir aux cris d'alarme des singes et vice-versa. Tout le monde en profite. Et sauf sa peau, aux grandes dames des carnivores qui doivent redoubler d'astuces pour parvenir à leur fin. D'autres animaux se rendent service et ouvrent par exemple des stations de nettoyage. C'est le cas notamment du pique-bœuf, un petit passereau africain qui se régale de puces et tiques qui foisonnent dans les poils et les oreilles des rhinocéros, hippos et antilopes de toutes sortes. Même chose sous nos latitudes européennes avec le héron garde-bœuf qui doit son nom à sa proximité avec le bétail, qu'il déparasite avec efficacité. Et l'homme alors dans tout ça ? Peut-on parler de mutualisme entre l'humain et l'animal si l'on écarte les interactions avec les animaux domestiques qui ont été spécialement et artificiellement sélectionnés pour coopérer avec nous ? Laissez-moi vous conter l'histoire incroyable du grand indicateur et du peuple Yao. Les Yao sont des chasseurs-cueilleurs qui vivent au Mozambique et récoltent encore, de manière traditionnelle, le miel d'abeilles sauvages. Le grand indicateur est un petit passereau d'allure discrète, marron, avec un bec rosé. Cet oiseau a une particularité. Il se nourrit principalement de cire d'abeille. Décrit dès 1588 par Joas dos Santos, un missionnaire portugais en mission au Mozambique, le petit oiseau est déjà connu pour guider les humains vers les ruches. La chercheuse Claire Spottiswoode et ses collègues Keith et Colin Begg ont étudié plus en détail l'interaction entre les chercheurs de miel Yao et le grand indicateur. Un rituel s'est créé entre eux. L'oiseau s'approche des humains, pousse un cri de contact spécifique, s'envole d'arbre en arbre et attend qu'on le suive jusqu'à l'arrivée à la ruche. Les humains, quant à eux, ont mis au point un cri bien particulier pour appeler l'oiseau. Voici un enregistrement fourni en supplément de l'article paru dans le journal Science en 2016. L'humain appelle et l'oiseau répond. Écoutez. Brrr, hein? Brrr, hein? Oui, hop. Brrr, hein? Brrr, yeah! Brrr, hein? L'équipe de Claire Spottiswoode a voulu décrypter cette coopération. Elle a d'abord pu démontrer que l'oiseau guidait bien les humains dans la bonne direction. Près de 75% des ruches trouvées par les humains le sont grâce à l'aide de l'indicateur. Mais ce son, ce brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr a diffusé plusieurs sons. Le mot « indicateur » dans la langue yao, les cris d'autres animaux tels que celui de la tourterelle du Cap, et bien sûr ce fameux bruit spécifique « mbr » pour comparer les réactions de l'oiseau à ces différents stimuli. Le cri spécifique des yao triple la probabilité de trouver une ruche grâce à l'indicateur par rapport à la diffusion des autres sons. Pas de doute, il y a donc bien une coopération active entre l'oiseau et les yao qui, en échange, laissent la cire et les abeilles à leur guide. Une relation unique et millénaire entre un animal sauvage et l'humain qui laisse songeur. Malgré tout, et même s'il est certain que l'entraide est un moteur de l'évolution, comme le théorisait déjà Pierre Kropotkin en 1902, il ne faut donc pas non plus voir de l'altruisme là où il n'y en a pas. Navré de jouer trouble faite. En effet, il arrive souvent que des vidéos fassent le buzz sur Internet, mettent souvent en scène des animaux mignons en train de jouer ensemble ou de s'aider. Certaines de ces associations insolites, bien qu'exceptionnelles, sont bien réelles, alors que d'autres ne le sont pas du tout. Le plus souvent, ces interactions surprenantes naissent dans des conditions particulières, en captivité ou lors de l'adoption de juvéniles par une mère de substitution. On peut citer par exemple le trio de prédateurs célèbres Balou l'ours, Léo le lion et Sherkan le tigre qui sont devenus les mascottes du Noah's Ark Animal Sanctuary aux États-Unis et qui ont en fait été élevés ensemble bébés dans un cirque dans des conditions difficiles. D'innombrables vidéos montrent aussi des fans, des bébés hérissons ou des canetons adoptés par des chiennes ou des chattes à la naissance. Parfois, certaines interactions restent plus mystérieuses, comme celle de lionnes qui adoptent un comportement maternel envers des bébés antilopes. Ces événements étant rares et difficiles à analyser en milieu naturel, il est compliqué de trancher de manière sûre et certaine sur leur nature exacte. Mais il semblerait qu'à chaque fois, les lionnes incriminées avaient perdu leur lionceau peu de temps avant ces observations, ce qui pourrait expliquer ces élans protecteurs, voire pathologiques, pour tout bébé à leur portée. D'autres vidéos sont plus problématiques, car elles sont souvent mal interprétées. Il est facile et tentant de voir de l'entraide là où il n'y en a pas. Un exemple de ce type a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux récemment. On y voit une corneille mantelée, sur une route, en plein jour, qui picore le dos d'un hérisson de manière répétée, jusqu'à ce que l'épineux mammifère ait fini de traverser et se retrouve en sécurité de l'autre côté de la chaussée. Certains se sont tout de suite exclamés ravis que l'oiseau aidait le hérisson à traverser dans un acte purement altruiste. Eh bien non, pas du tout. Dans les faits, cette corneille est omnivore et opportuniste. Elle mangerait donc fort bien un hérisson. Inutile de la blâmer, les temps sont durs et trouver sa pitance n'est pas chose aisée. D'autre part, les hérissons sont discrets et sortent à l'aube et au crépuscule. Un animal immobile, en plein jour, est vulnérable et sans doute affaibli par une blessure ou une maladie. Une information qui n'a sans doute pas échappé à notre oiseau. Il est donc très probable que la corneille tâte le terrain et teste la marchandise avec ses picorages répétés, plutôt qu'elle ne l'aide à traverser. On l'a vu, la coopération et l'entraide existent dans la nature. Ces comportements, quand ils augmentent la survie, sont ainsi sélectionnés et maintenus au fil des générations. Preuve s'il en est que la compétition n'est pas tout, et qu'à plusieurs, on est capable de prouesses, sous réserve que la relation soit équilibrée. Je ne résiste pas à faire un petit détour assumé, totalement humano-centré, en finissant cette chronique par une citation qui fait écho à l'actualité. Le révérend américain Martin Luther King clamait dans son discours du 31 mars 1968 ceci. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Au boulot. Et nous revoici avec notre mystérieuse invitée. Comme il s'avère que nos voix se ressemblent beaucoup et sont donc faciles à confondre, je vais demander à Thomas en régie de modifier légèrement ma voix. Zouf. C'est bon Thomas ? Ah oui, c'est parfait ça. Alors je ne laisse pas durer le suspense plus longtemps, il est temps d'accueillir notre invitée. Bonjour Agathin Liévin-Bazin, vous avez fait un doctorat en éthologie à l'université de Paris-Nanterre et à l'université Ludwig-Maximilien de Munich en Allemagne, sur la prosocialité et l'empathie chez les oiseaux. Et puis vous vous êtes depuis reconverti dans la vulgarisation scientifique. Alors déjà et avant toute chose, merci de vous être rendu disponible au dernier moment pour pallier un désistement de dernière minute. Avec plaisir, je traîne souvent dans le coin. Alors pour commencer, nous allons d'abord aborder les recherches que vous avez menées pendant votre thèse. Puis ensuite, nous reviendrons sur votre passage à la vulgarisation scientifique et puis aux nombreux supports que vous utilisez maintenant. Alors, votre thèse s'intitule « Prosocialité, cognition sociale et empathie chez les psittacidés et les corvidés ». Alors d'abord, prosocialité, cognition sociale, empathie, on va peut-être définir les termes. J'imagine que ça se rapporte aux interactions entre individus. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors oui, ces trois termes ont ça en commun, c'est que le but de ma thèse, c'était de voir en quoi les relations entre les individus, c'est ce qu'on peut désigner par la cognition sociale, en fait, la cognition sociale, ça englobe toutes les interactions entre individus au sein d'un groupe. Et en fait, cette cognition, c'est une sorte d'intelligence, entre guillemets, je mets des gros guillemets, mais qui montre qu'on est capable d'analyser les rapports des individus autour de nous. Est-ce que Gertrude est copine avec Marcel ? Est-ce qu'ils sont en couple ? Est-ce qu'ils sont copains ? Quel avantage je vais avoir à m'approcher d'un tel à tel moment plutôt qu'à un autre ? Donc ça, c'est tout ce qui est cognition sociale. Et pour l'empathie, justement, comment ça se rapporte à ces interactions ? Parce qu'on entend beaucoup parler de ce mot, au final, dans les sociétés humaines, mais sans vraiment savoir à quoi ça pourrait correspondre chez les animaux. Oui, c'est vrai que l'empathie, on entend un petit peu parler de toutes les façons dans les médias. Moi, je botte souvent en touche, et c'est-à-dire que je prends une définition qui a été utilisée par France Deval, qui est un éthologue, un primatologue même célèbre. Et lui, en fait, il a une vision que je trouve assez nuancée sur la chose. Il explique que l'empathie, c'est la capacité à comprendre les émotions des autres et à y agir de manière appropriée. C'est-à-dire que on va être capable de comprendre si un autre animal est en détresse et potentiellement de l'aider de la bonne manière pour le sortir d'un mauvais pas. Mais dans sa définition, il donne plusieurs niveaux plus ou moins complexes dans l'empathie. Le premier, par exemple, c'est la contagion émotionnelle, qui ne nécessite pas forcément de comprendre en fait, les émotions des autres. C'est plus une transmission un peu automatique d'un sentiment, d'une émotion, qui a des bases qui sont encore un peu mal comprises. Un cas très connu, c'est par exemple le fait de bâiller. Si je me mets à bâiller, vous allez bâiller également. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes fatigué, mais il va y avoir une espèce de comportement en miroir. Parce que vous m'avez vu bâiller, vous avez aussi envie de bâiller. Et on pense que c'est l'une des bases de cette compréhension de l'émotion de l'autre, une espèce de comportement en miroir. Un peu automatique. C'est ça. Okay. Après, il y a des choses plus compliquées qui nécessitent de se mettre à la place de l'autre et de comprendre ses émotions, son point de vue, pour l'aider de manière appropriée. Donc ça, ce sont les niveaux plus complexes. C'est ça. Et la prosocialité ? Alors la prosocialité, c'est un terme un peu barbare qui en fait englobe tous les comportements qui visent à améliorer le bien-être de l'autre. Donc ça inclut l'entraide, le partage alimentaire, la coopération, voire l'empathie. Plein de choses dedans. La seule subtilité, c'est que par exemple le mot d'altruisme qu'on utilise souvent, c'est inclus dans la prosocialité. Et par exemple, un acte altruiste a un coût. Par exemple, si je donne l'intégralité de mon repas à quelqu'un, bah, j'y perds parce que j'ai perdu mon repas. Ça, c'est de l'altruisme. Mais la prosocialité, moi, c'est le terme que j'ai choisi pour ma thèse parce que c'est plus simple de tester, par exemple, un comportement où les deux animaux y gagnent. Et donc, vous avez, pour vous intéresser à ce domaine et à ces questions, vous avez étudié les psittacidés, qui sont les oiseaux de la famille des perroquets, et les corvidés, donc les corneilles, les corbeaux, ou bien les pies, bien sûr. Alors, pourquoi eux en particulier ? Alors, c'est un peu les superstars en matière d'études de l'intelligence des oiseaux. C'est arrivé un peu sur le tard. Les perroquets, il y a eu un grand essor à fin des années 80, enfin fin des années 70 même, avec Irene Pepperberg, une chercheuse américaine qui a consacré sa carrière à étudier un perroquet gris du Gabon du nom de Alex. Donc on s'est rendu compte que les perroquets, en fait, ne faisaient pas que répéter des mots sans forcément comprendre leur sens. Et on s'est aussi rendu compte qu'ils avaient une vie sociale très riche, ce qui m'intéressait encore plus, parce que ce sont des animaux, comme les corvidés, qui forment des couples fidèles sur le long terme, et qui ont une vie vraiment... sont des animaux qui vivent vieux aussi. Et donc, ils ont vraiment un tissu social vraiment intéressant, avec des interactions très riches. Et donc, les perroquets et les corbeaux, on s'est rendu compte avec le temps qu'ils étaient capables de plein de choses au niveau de ce qu'ils pouvaient comprendre des émotions, des intentions des autres individus du groupe. Et on s'est aussi rendu compte, d'un point de vue purement physiologique, qu'ils avaient un très gros cerveau par rapport au reste de leur corps. On estime que leurs capacités cognitives valent celles des primates. Et donc ce serait le fait qu'ils vivent en couple très longtemps et qu'ils vivent au sein d'un grand groupe social qui aurait favorisé le fait qu'ils soient plus intelligents, disons, que la moyenne. Alors ça, c'est une question compliquée parce que c'est un peu l'œuf ou la poule, qui était là en premier. On essaye toujours d'essayer de comprendre pourquoi certaines espèces ont des capacités cognitives qui sortent du commun, qui sortent de l'ordinaire plutôt. L'une des théories, c'est ça, c'est que la contrainte du groupe social, le fait d'être dans un groupe avec plein d'individus qui nouent des relations complexes, qui vont évoluer dans le temps, ça demande un petit peu de concentration, parce qu'il faut se souvenir de qui est pote avec qui, et comment, et quoi, et qu'est-ce. Et une des théories pour expliquer l'émergence de cette intelligence qu'on retrouve chez plein d'espèces sociales, comme les grands singes, les dauphins, les primates, les orques, et ces fameux corbeaux et perroquets, c'est ces histoires de groupes qu'on appelle en fission-fusion, c'est-à-dire que les animaux se regroupent en grands groupes pour dormir, pour manger, mais ensuite, souvent, il y a des petites unités sociales, souvent les couples ou les familles, qui s'explosent pour vaquer à leurs occupations et qui se reforment. Donc ces groupes comme ça, à la dynamique variable, ça demanderait, on pense, des capacités un petit peu de réflexion importantes pour se souvenir de qui fait quoi. Donc malgré le fait qu'on dit souvent qu'ils sont stupides, en fait, les oiseaux, ils sont tout trouvés pour s'intéresser à l'intelligence chez les animaux. En tout cas, c'est ce qu'on constate depuis une trentaine d'années, que finalement, corbeaux et perroquets valent nos primates et sont peut-être parfois même meilleurs qu'eux sur certaines questions. Et donc vous avez cité les orques et d'autres mammifères. Est-ce que c'est courant vraiment d'étudier les oiseaux, ou alors justement les animaux que vous venez de citer prennent le devant de la scène, disons ? Alors, tout dépend des questions, mais pour tout ce qui est coopération, empathie, toutes ces questions qui sont au final assez proches des questions que l'on peut se poser pour les sociétés humaines, on peut étudier plein d'autres animaux. Bien sûr, ceux qui ont la cote, c'est les grands singes, parce que ce sont les plus proches de nous. Bien sûr. Mais sur les questions de la coopération, y a plein d'espèces sociales qu'on étudie peu, qui sont très intéressantes. Il y a eu notamment, dans les années 2000, des études sur les hyènes assez fascinantes. Moi, pour ma part, j'ai aussi tenté des trucs en coopération avec d'autres animaux. Donc, j'ai travaillé avec des gris du Gabon, donc des perroquets, mais aussi, par exemple, avec des capybaras, qui sont des très gros rongeurs qui vivent en Amérique du Sud, qui ressemblent à des cochons d'Inde géants. Qui ont l'air assez tranquilles. Qui sont très tranquilles, qui sont même très posés, pour essayer de voir, justement, s'ils étaient prêts à échanger de la nourriture facilement. Et on avait choisi cette espèce-là pour une raison qui était qu'ils sont censés faire de ce qu'on appelle en français de l'élevage coopératif. Communautaire. C'est ça, communautaire. C'est-à-dire que plusieurs adultes peuvent élever un peu tous les petits du groupe, quoi. D'accord. Ce qui favoriserait ben, la coopération, l'entraide pour ce cas précis. D'accord. Et vous, précisément, pour venir à vos études, à quoi ressemblaient vos expériences sur le terrain, ou peut-être une expérience en particulier Eh bien, bon, j'ai testé plusieurs choses. Donc, j'ai travaillé à la fois, parce que Corvidae psittacidae, bien sûr, en 4 ans de thèse, c'était large. J'ai pas eu le temps de tester tous les perroquets, tous les corbeaux qui existent, à mon grand regret. J'ai travaillé avec deux espèces, donc la perruche calopsite, ouais. Qui se reconnaît avec ses petites joues rouges et sa crête qu'on trouve facilement en animalerie. Et avec des choucas des tours, qui sont des petits corbeaux, ouais. Qui eux étaient en Allemagne, parce que j'ai fait ma thèse sur deux pays. Et. Au niveau des manips, bon, à chaque fois, j'ai testé des choses très différentes avec les perruches et avec les choucas. L'une des expériences qui a le mieux marché était celle qui cherchait à tester directement l'empathie. Et j'ai essayé d'examiner ce premier niveau dont on parlait tout à l'heure. Oui, la contagion émotionnelle. Exactement, la contagion émotionnelle, pour essayer de voir, en gros, quelles pouvaient être les bases de l'empathie chez ces oiseaux. Ce que j'ai fait, c'est que donc, j'avais un groupe de 14 oiseaux. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré un cri de chacun de mes oiseaux, qui s'appelle le cri de détresse, que, en gros, j'obtenais en leur montrant un gant en cuir, donc je ne les torturais pas, mais en gros, je leur montrais un gant en cuir qu'on utilisait pour les soins. Donc ils avaient associé le fait que quand on mettait le gant, il fallait les attraper pour leur donner souvent un médicament pas très agréable. Donc j'ai mis chacun de mes oiseaux dans un caisson acoustique, j'ai enregistré un cri pour chacun de mes individus, et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que pour chacun de mes oiseaux, je lui ai diffusé soit le cri d'un oiseau avec lequel il était proche, avec lequel il avait une relation vraiment particulière. Donc soit c'était le frère, la sœur, le partenaire de couple ou des amis. Parce qu'on peut aussi mesurer des amitiés chez les oiseaux. Par exemple, le temps qu'ils passent côte à côte, le temps qu'ils passent à faire du toilettage mutuel, comme chez les primates. Et avec ces indices-là, je pouvais savoir qui était copain avec qui, en gros. Donc j'ai diffusé les cris d'un copain, les cris d'un oiseau avec qui ils vivaient, donc un coloc, mais avec qui ils n'avaient pas de relation particulière. Qui est familier, mais sans plus, quoi. C'est ça. Et ensuite, je diffusais un bruit contrôle qui était un bruit blanc, qui en gros équivaut à un... Oui. Voilà. Qui avait le même niveau sonore que les cris d'oiseaux, mais qui n'a pas de valeur émotionnelle. Et c'était un petit peu risqué, parce qu'en fait, les cris de détresse, on le sait, chez les oiseaux, ils ont la particularité de déclencher l'envol chez tous ceux qui l'entendent. Ça, c'est même tellement efficace que ça a été breveté sur les aéroports. C'est-à-dire que si on diffuse un cri de détresse de merle, bah, les moineaux, les étourneaux, tous les oiseaux qui sont autour vont se sauver parce qu'ils ont été alertés qu'il pouvait y avoir un danger potentiel. Donc ça semble quand même assez mécanique, quoi. C'est quand même une réponse assez... C'était le risque, en effet. Le risque, ça pouvait être que, quelle que soit l'identité de l'oiseau qui allait produire le cri, tout le monde allait se sauver. Mais c'est pour ça qu'on fait ce genre d'expérience. Mais oui, et puis moi j'avais l'idée, puisque ce sont des animaux... qui ont quand même des relations très fortes. C'est-à-dire que les frères et sœurs restent quand même très liés, les parents restent en couple en théorie toute leur vie. Moi, je trouvais ça quand même étrange que l'identité de celui qui crie n'ait pas d'importance. Que finalement, tout le monde réagirait de la même façon. De la même façon, ouais. Ce qui me semble déraisonnable. Et donc j'ai testé ça de différentes façons. Donc, j'avais mon petit oiseau dans son caisson, je diffusais les cris avec du silence avant, du silence après pour voir les conséquences de la diffusion. Et je les filmais et je les enregistrais. Et j'ai regardé plusieurs comportements. J'ai regardé notamment comment est-ce qu'ils bougeaient, est-ce qu'ils restaient immobiles, sachant que le mouvement souvent était révélateur plutôt de stress. Je regardais s'ils restaient près ou non de l'audio, du haut-parleur. Ou s'ils le fuyaient au contraire. Exactement, est-ce qu'ils voulaient rester à côté ou non. Également s'ils bougeaient leur crête, parce que c'est ça qui est intéressant chez les calopsites, c'est que quand ils sont attentifs ou non, ils hérissent les plumes de leur crête, exactement. Comme les cacatoès un peu. Comme les cacatoès, et c'est, jusqu'à présent dans les études, ça a été très peu utilisé, alors que c'est quand même assez révélateur d'un état émotionnel, même si c'est difficile de distinguer le fait qu'ils soient attentifs ou stressés, mais en tout cas, quand ils sont au repos, les plumes sont bien à plat sur la tête, alors que quand ils sont attentifs, ils les bougent un peu dans tous les sens. Et avec le mélange de toutes ces variables, j'ai essayé de comparer les réactions aux trois différents bruits. Le bruit de copain, de pas copain et le bruit blanc. Et j'ai été ravie de voir qu'il y avait des différences, même si ce n'était pas du tout gagné. Les oiseaux étaient attentifs, mais ils réagissaient beaucoup moins au bruit blanc. Donc ça, c'était notre contrôle, donc ça marchait. Ça veut bien dire que le bruit, même s'il est fort, n'avait pas de valeur émotionnelle pour les oiseaux. Donc déjà, ils reconnaissent bien un bruit lambda d'un bruit de calopsite. Tout à fait. Ouais. Donc ils font vraiment la différence. Et ensuite, il y avait une différence entre les bruits de copains et de pas copains. Donc c'est-à-dire que même au sein des calopsites, ils réagissaient plus fort, avec notamment plus de mouvements, plus de déplacements, avec la crête plus hérissée, s'ils entendaient le cri d'un proche plutôt que d'un pas proche. Et ça, alors, on ne pouvait pas conclure de manière brute à de la contagion émotionnelle, parce que la définition officielle de la contagion émotionnelle, c'est que vous allez reproduire le comportement qu'on vous a fait écouter. Donc, il aurait fallu que mes oiseaux poussent un cri de détresse pour que ce soit de la contagion émotionnelle. Oui. Ce n'était pas le cas. Mais en tout cas, on a vu qu'ils avaient une sensibilité accrue au cri d'un oiseau qu'ils connaissaient bien. Mmh. Et ça, ça va quand même dans le sens d'une première reconnaissance des émotions. Et c'est plutôt encourageant pour la suite. Alors peut-être juste une dernière question avant la pause musicale. Là, vous avez parlé de cris de détresse. Tout à l'heure aussi, vous parliez de comportements plutôt négatifs dans la contagion émotionnelle. Est-ce que c'est tout simplement difficile, en fait, d'étudier des comportements positifs, la contagion de comportements positifs? C'est pour ça, en fait, qu'on est un peu contraint de choisir ce type de comportement de détresse? C'est une des grandes difficultés, parce que quand on étudie l'empathie, donc... Il y a énormément de travaux, notamment de Franz Ewald que je citais avant, mais qui sont basés sur des observations ponctuelles. Parce que l'empathie, souvent, les comportements les plus impressionnants, c'est qu'un animal est en danger ou en mal-être et un autre lui vient en aide. Mais ça, et heureusement, c'est interdit par les règles d'éthique, on ne peut pas le recréer en laboratoire. On ne peut pas mettre un animal en difficulté pour voir si les autres vont aller le sauver. Oui. L'avantage de ces cris de détresse, même si ça m'a fait passer quelquefois pour une tortionnaire, c'est que les diffusions étaient très courtes, bien sûr, et on le faisait qu'une fois, enfin une fois de chaque cri pour l'oiseau, donc la manipulation était quand même très limitée. En fait, c'est ça qui est difficile, c'est que c'est plus simple de mesurer le stress, on voit l'animal qui s'agite, etc., que le bien-être le plus complet. Heureusement, il y a aussi des choses qu'on fait de plus en plus, où on essaye de mesurer des changements de température, où on essaye de... les battements cardiaques, etc. Mais malgré tout, les battements cardiaques, notamment, ce que l'on voit, c'est souvent une accélération due à un stress. Oui, il y a plusieurs interprétations possibles. C'est ça, et c'est aussi plus compliqué. Donc, c'est encore difficile de mesurer des comportements positifs. Il y en a quelques-uns, notamment, il y a Jacques Manxep, dans les années 90-2000, qui s'est amusé à chatouiller des rats, et qui a montré que les rats rigolaient. Il y a des choses, et bien sûr, moi la première, hein, mes oiseaux c'était un peu mes bébés, donc je voulais les malmener le moins possible. Mais pour voir cette transmission d'émotions, pour l'instant, c'est vrai que c'est plus facile pour nous en tant qu'observateurs extérieurs de se baser là-dessus. Merci. Alors on reviendra tout de suite après une pause musicale sur vos expériences post-thèse. Et on va vous laisser chantonner comme des pinsons ou jacasser comme des pies le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus FM. I'm on c'était Take a Ride du groupe Photomatic. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pie et je reçois aujourd'hui Agathin Liévabazin, docteur en éthologie spécialisée sur la prosocialité et l'empathie chez les oiseaux et devenue maintenant vulgarisatrice scientifique indépendante. Alors, on a parlé de votre thèse. Maintenant, donc vous avez soutenu fin 2017, ouais. C'est bien ça. Qu'avez-vous fait ensuite ? Alors déjà, il a fallu accuser le coup, parce qu'une thèse c'est long, c'est pas facile. Donc ma thèse a duré 4 ans, donc j'ai travaillé donc, sur les perruches, sur les choucas, notamment avec une période de 6 mois assez intense où j'étais en Allemagne dans la neige à faire mes manips avec les choucas. Peut-être juste normalement c'est 3 ans dans votre domaine, une thèse. Habituellement les bourses sont pour 3 ans, ce qui était mon cas, parce que j'avais une bourse de la région Île-de-France pour 3 ans, mais en gros j'ai fini mes manips en septembre de ma dernière année. Et je n'avais pas écrit un mot de ma thèse. Donc j'ai postulé pour faire un ATER, un poste donc, d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Nanterre. Donc pendant un an, j'ai donné cours à la fac, ce qui m'a permis d'avoir un peu de temps pour écrire ma thèse. Donc c'était un travail de longue haleine. J'imagine. Et après donc, la thèse que j'ai soutenue en décembre 2017, ça a été difficile. Et je me suis posé beaucoup de questions, mais j'ai pris la décision d'arrêter la recherche académique, même si je reste convaincue que c'est le plus beau métier du monde. Malheureusement, aujourd'hui, faire de la recherche en France, ça comporte trop de contraintes, à mon goût. Après une thèse, en fait, il faut faire plusieurs contrats courts, qu'on appelle des post-doctorats, souvent à l'étranger, et... en gros, on a une limite d'âge, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop vieux, il faut beaucoup publier, mais en même temps, si vous êtes trop vieux, on ne vous prend plus. Et il faut bouger régulièrement de pays, ce qui ne facilite pas la vie sociale, amoureuse, amicale, sociale en tout genre. Donc, je me suis rendu compte que j'allais pas être pleinement épanouie avec ces contraintes-là, même si j'adore le voyage, j'adore rencontrer des gens, mais être obligée de le faire pour sa carrière, ça me déplaisait assez fortement. Sans avoir finalement de... d'assurance au final de pouvoir... Bah, c'est le problème, oui. C'est que certains, malheureusement de mes connaissances, ont fait le choix de poursuivre en postdoc et ils enchaînent les contrats pendant 10 ans sans avoir certitude d'avoir un jour un poste. Donc je pense que c'est... Même si le travail de chercheur est extrêmement motivant, c'est-à-dire qu'on a le contact privilégié avec les animaux, on rencontre plein de gens de cultures, de pays différents, il y a cette angoisse quand même de ne jamais savoir où on va atterrir et surtout quand. Combien de temps de recherche Donc, c'était assez drôle d'ailleurs, parce qu'il y a un petit temps de latence entre le moment où on dépose son manuscrit de thèse et le moment où on fait sa soutenance, qui est d'environ un mois et demi. Et moi, pendant ce temps-là, j'avais suivi un MOOC, un cours en ligne pour savoir quoi faire après la thèse. Et c'est assez rigolo, parce qu'en même temps, il y avait le postdoc parfait pour moi, qui était à Vienne, qui est le meilleur pôle pour travailler sur la cognition et sur l'empathie chez les animaux, qui était de 4 ans sur la prosocialité chez les animaux. Donc, le sujet parfait. En plus, c'est un contrat de 4 ans, donc c'était plutôt pas mal. Et en même temps, j'ai découvert dans ce MOOC l'existence d'un diplôme universitaire, un DU de médiation scientifique. Et en fait, je me souviens pertinemment d'avoir arrêté le MOOC, d'avoir pris le mail du directeur de ce DU et de lui avoir envoyé le lendemain un CV, une lettre de motivation pour recommencer tout de suite. Et bah, je crois que j'ai pas eu besoin de faire une grande analyse sur moi-même pour comprendre que bah, j'avais plus envie de faire ça que... de partir à Vienne. Et donc peut-être avant de parler de ce DU ou de vos autres formations, est-ce que pendant votre thèse, vous aviez eu des expériences liées à la vulgarisation ou à la médiation scientifique ? Alors j'ai eu quand même pas mal de chance dans la mesure où ma chef, Dalila Beauvais à Nanterre, était assez médiatisée. Mais elle n'avait pas forcément le temps de répondre à toutes les sollicitations des journalistes. Et souvent, elle me redirigeait, elle les redirigeait vers moi. Donc j'ai eu pas mal d'opportunités pendant ma thèse. Je suis passée à la télé, à la radio. J'ai pu donner des conférences grand public. Même si c'était ponctuel, hein, j'ai fait peut-être 2 émissions de radio, une émission de télé. Enfin, c'était... En 4 ans, voilà, c'était sporadique, on va dire. Mais c'était très formateur. Et surtout, moi, en fait, ça me faisait un bien fou parce que... Bah, être face à un public, notamment des conférences grand public, moi c'est ce que je préférais, on a un retour tout de suite du public. Quoi. C'est autant une thèse, un travail de recherche, on peut être 4 ans sans que les gens sachent sur quoi on travaille. Autant là, tout de suite, si les gens ont été intéressés, on le voit à la fin. Quoi. Ils ont des questions, ça leur a plu. Et il y a un retour immédiat sur son travail qui souvent fait du bien et qui donne un peu d'air frais dans le travail parfois long et pénible d'une doctorante. D'accord, donc c'est aussi une question peut-être de besoin d'échange ou de reconnaissance. Oui, complètement. Faire la vulgarisation, moi, ça a été une bouffée d'air frais parce que c'était, mon travail était reconnu, j'avais des retours réguliers plutôt positifs sur ce que je faisais. Et puis, des fois aussi en vulgarisation, des fois je parlais de mes sujets, c'est-à-dire l'intelligence des oiseaux, la coopération chez les animaux, mais des fois je me permettais de vulgariser d'autres sujets plus éloignés de mes thématiques. Et ça permettait aussi d'apprendre d'autres choses, de s'ouvrir sur d'autres questions. Et c'est toujours très, très, très valorisant d'apprendre de nouvelles choses sur des domaines autres que ceux sur lesquels on travaille. Et donc, la formation, vous avez fait un DU juste après votre thèse ? Oui, le DU médiation scientifique innovante à l'Université Paris Diderot et au CRI, qui était une formation... un peu en mode cours du soir, c'était de 17h à 20h pendant 3 mois. Et c'était vraiment pile poil ce qu'il me fallait, parce que j'avais pas du tout envie de repartir dans une formation de 2 ans après ma thèse, parce que j'en avais un peu soupé. Et le DU était court, et il permettait d'avoir un panorama rapide des différentes choses qu'on peut faire en vulgarisation, parce qu'il y a plein d'aspects très différents. On peut faire de la radio, on peut écrire des articles de presse, on peut faire de la com pour des institutions scientifiques, on peut animer des réseaux sociaux, on peut quoi d'autre, faire des conférences courtes, grand public, du théâtre, pourquoi pas, de l'illustration, enfin... même de la muséo, moi j'ai trouvé ça passionnant. Comment est-ce qu'on conçoit une exposition, quel texte garder, quelles images mettre en avant, comment capter l'attention des visiteurs. Il y a plein de choses assez faramineuses qui existent en médiation. Et d'avoir ce large panel, ça m'a fait le plus grand bien et ça m'a fait rencontrer aussi des gens de tous horizons, de tous âges. Et ça m'a convaincue que c'était ce que j'avais envie de faire. Parce que c'est difficile de faire un choix parfois, donc autant... C'est ça. autant voir tout ce qui existe. Autant se garder un grand éventail c'est de ça. Possibilités. Et se frotter à plein de choses différentes. Et donc après ce DU, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'était l'année du grand saut, parce que on va pas se mentir, quand on est salarié pendant 4 ans, ça fait quand même tout drôle de dire « bon bah allez, je vais aller trouver ma pitance du mieux que je peux avec ce que j'ai appris à faire ». Ce que j'ai fait, juste après mon DU, j'ai participé au concours ma thèse en 180 secondes, qui était aussi une expérience assez formatrice, parce qu'il faut résumer son travail de 4 ans en 3 minutes, donc c'était un exercice assez sportif, mais rigolo et plutôt enrichissant. Et après ça, j'ai déménagé à Toulouse, et j'ai essayé de me lancer comme je pouvais dans différentes missions. J'ai accepté de faire des missions où, par exemple, je faisais du dessin en direct pour des conférences, j'ai donné des conférences grand public, j'ai lancé une émission de radio, enfin, plein de choses très différentes pour... Donc ça, en tant qu'indépendante, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que j'ai un statut d'auto-entrepreneuse, que, en gros, je réponds aux sollicitations, mais je peux aussi démarcher des institutions s'ils ont besoin de moi. Jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, j'étais encore en DU à Paris, que, par exemple, j'ai été sollicitée par le Muséum de Lille. Chose incroyable. D'ailleurs, je ne sais toujours pas comment j'ai eu autant de bol. Et où, en gros, j'ai été contactée par Muriel Lecouvez, qui est la responsable des collections de zoologie, et qui m'a dit « j'ai vu ton blog, je t'ai vu passer à la télé, et tu es sur un sujet qui nous intéresse, l'empathie, l'entraide, la coopération. On veut faire une exposition là-dessus dans un an au Muséum de Lille. Est-ce que tu veux être conseillère scientifique ?» Et moi, j'ai dit « ouais, grave !» Donc, j'ai eu cette opportunité-là, et puis d'autres petites choses par-ci, par-là, qui ont commencé à me ramener un tout petit peu de sous. Après, c'est pas que de la chance, j'imagine. Si elle a vu votre blog, si vous avez fait une thèse de 4 ans sur ce travail, sujet... Voilà. Il y a aussi du travail, mais c'est quand même pas du tout le même boulot d'être thésard et de présenter ses travaux à ses pairs et de rendre accessible et de manière fun et sympa des connaissances sur d'autres sujets. Et donc depuis, est-ce que vous êtes indépendante à temps plein ? Alors, pour le moment, donc, je suis officiellement auto-entrepreneuse depuis août 2018, puisque mon contrat à Lille commençait en septembre 2018. Oui, c'est ça. Donc, ça a commencé. Et en fait, mine de rien, payer ses factures et son loyer juste avec des conférences ponctuelles et un petit live-catching par-ci, par-là... C'est pas suffisant. Donc, en fait, depuis un an, un peu plus d'un an maintenant, j'ai la chance de travailler à mi-temps aussi à l'Eurécafé, qui est un café scientifique toulousain un peu particulier. où mes chefs sont suffisamment souples et tolérants pour me permettre parfois d'aller faire des sorties à Angoulême ou à Lille ou que sais-je pour aller donner des conférences à droite à gauche. Et l'avantage de ce lieu, c'est que bon, déjà j'ai eu aussi l'opportunité d'y donner des conférences et signer des ouvrages et c'était très chouette. Mais c'est un lieu qui est vraiment, vraiment accueillant où l'idée c'est de faire découvrir les sciences, de créer du dialogue surtout entre les visiteurs. Qui peuvent venir se poser pour boire un café, lire un livre de science ou faire une partie de jeu de société et créer une discussion voilà, autour de ces sujets de société. Mais quand on est indépendante, du coup, est-ce qu'on travaille vraiment seul tout le temps ou alors est-ce qu'on est amené à faire des travaux d'équipe parfois ? Eh bien, ça dépend. Pour certaines missions, je suis totalement en solo, notamment les conférences. Hein, souvent, je les fais seule. Mais j'ai aussi rejoint des associations parce que comme vous le disiez dans la chronique à plusieurs, on est meilleur. J'ai rejoint deux associations, notamment le Café des Sciences, qui est une association qui regroupe des vulgarisateurs et vulgarisatrices scientifiques francophones. Ce qui m'a donné plein d'opportunités, parce que grâce au Café des Sciences, on a plus de visibilité, et c'est déjà arrivé que des grosses institutions demandent on a besoin de 5 dessinateurs pour faire des dessins pendant les conférences à la nuit de l'astrophysique à Paris. Et pouf, ça me donnait une possibilité. On a aussi créé un livre collectif, La science à contre-pied, en 2017, où j'ai aussi pu participer parce que je faisais partie de cet asso. Donc ça m'a donné pas mal d'opportunités et aussi de conférences. Hein, c'est vrai. Et puis, c'est un brassage. Le Café des Sciences, là, il y a plus de 200 membres. Donc à chaque fois qu'on se regroupe, qu'on se croise, c'est des rencontres, c'est des échanges qui sont souvent très, très valorisants. Et j'ai aussi rejoint plus récemment une association qui s'appelle Stimuli, qui réunit un peu tout ce que j'aime, parce que le but, c'est de faire de la vulgarisation des sciences par la bande dessinée, par le dessin. Et comme c'est tout ce que j'aime, c'était parfait. Et par exemple, j'ai participé l'an passé à un colloque qui s'appelle Telling Science, Drawing Science, qui a lieu à Angoulême, à la Cité de la BD, ce qui est un petit peu merveilleux. Et j'ai participé à un projet où je devais vulgariser une de mes recherches. J'étais la scientifique du binôme et j'ai été associée à un dessinateur, Léo-Louis Honoré, qui devait illustrer en planche de bande dessinée mes recherches. Et j'ai choisi celle dont je vous parlais tout à l'heure avec mes perruches et la contagion émotionnelle. Sur la contagion, oui. Voilà, et on devait faire résumer en deux planches ce travail-là. Et c'était super de voir aussi de quelle manière on pouvait... parce qu'on est parti sur un ton très humoristique, de voir comment on pouvait... vulgariser ces grandes notions que sont le bien-être animal, l'empathie, l'éthologie, comment est-ce qu'on fait des protocoles expérimentaux, etc., en cases et en bulles. Peut-être avant de passer au quelques conseils lecture, vous pouvez peut-être nous parler de vos projets actuels. Est-ce qu'ils impliquent justement l'utilisation de l'image ou de la bande dessinée Alors, niveau projet actuel, puisqu'on sort d'un confinement de plus de 2 mois, ça a un petit peu ralenti mes activités. Par exemple, notamment, je devais retourner à Lille parce que j'avais fait une conférence d'inauguration pour l'exposition Liaison Vitale. Et je devais y retourner puisqu'ils avaient beaucoup aimé ma conférence, donc j'étais ravie de retourner à Lille. Mais dans les conditions actuelles, j'ai bien peur que ça se finisse en visioconférence plutôt qu'en présentiel. Malgré tout, je fais encore des live sketching, parce que là aussi, les live sketching, on peut les faire à distance. En gros, il faut faire les dessins et les envoyer, donc ça, je peux le faire encore. Niveau conférence, malheureusement, j'ai peur que ça doive attendre quelques mois. Après, je continue à dessiner sur mon blog, à illustrer des articles de science que j'écris sur mon blog. Et niveau autre projet, en ce moment, j'essaie de me consacrer à l'écriture, parce que vu que le dessin, Mais très cher, j'aime beaucoup le format livre et notamment j'ai beaucoup d'affection pour les documentaires animaliers jeunesse, qui est un genre qui est encore un peu snobé par les adultes parce que quand il y a un livre avec des images, c'est que c'est pas forcément sérieux. Mais le fait est qu'on a une littérature et des albums jeunesse qui traitent de sujets des fois ultra compliqués et qui sont pas si simples sur le comportement animal, sur la biodiversité. Et donc en ce moment, je travaille sur un livre jeunesse qui porte sur les sociétés animales. Donc c'est le projet sur lequel je me concentre en ce moment. D'accord, merci Agatha. Merci d'être venue aujourd'hui nous présenter vos travaux sur la procéité chez les oiseaux et puis d'avoir parlé de votre parcours d'indépendante. Je vais peut-être redemander à Thomas de me rendre ma voix pour parler des quelques conseils lecture et pour finir cette émission. Nickel, merci beaucoup Thomas. On finit comme d'habitude avec quelques conseils lecture. Pour finir cette émission, je vous propose de découvrir plusieurs ouvrages. Pour en savoir plus sur l'intelligence des oiseaux, sujet chouchou de notre invité, vous pouvez retrouver ses textes et ses illustrations dans deux ouvrages collectifs. Le premier s'intitule « La science à contre-pied », paru aux éditions Belin en 2017, et écrit avec 30 membres de l'association du Café des Sciences. Il traite de sujets variés, incluant la virologie, l'informatique, la botanique ou la psychologie. Le second s'intitule « Les intelligences animales », paru en 2019 aux éditions Ulmer et compile les conférences données par plusieurs spécialistes du comportement animal lors des universités d'été et journée mondiale de l'intelligence animale, organisées par la journaliste Yolaine Delabigne. Aussi, si vous avez l'occasion de passer au Muséum d'histoire naturelle de Lille, sachez que l'exposition temporaire intitulée « Liaison vitale », à laquelle Agatha a participé en tant que conseillère scientifique, est visible du public jusqu'au 6 septembre 2020. Il y est question d'associations positives, de coopération, de partage, de culture et d'empathie dans le règne animal. Et pour creuser le sujet de l'entrée dans le monde animal, je vous propose encore deux ouvrages. Le premier vient de paraître aux éditions Delachaux et Niesley. Il s'agit de l'excellent « Je t'aide, moi non plus », écrit et illustré par Gilles Macagnot. Cette bande dessinée scientifique et humoristique de 129 pages démarre ainsi. La théorie de Darwin sur l'évolution des espèces au moyen de la sélection naturelle a été déformée à foison. Sa métaphore de la lutte pour la survie a même été pervertie pour forger et servir une version aride du capitalisme où seuls les plus forts se partagent le gâteau. L'auteur se propose donc de rétablir la vérité. En compagnie de Charles Darwin et de Pierre Kropotkin, qui débattent de manière houleuse, Gilles Macagnot nous fait découvrir au fil des pages en quoi l'association de plusieurs espèces profite au plus grand nombre. Des crèches de manchots qui se réchauffent à plusieurs en passant par la pêche collective des pélicans ou encore l'échange réciproque de sang des chauves-souris vampires, vous découvrirez un très large panel de coopération animale. Il explore aussi comment les symbioses impliquant bactéries, végétaux et champignons ont pu former des récifs ou des montagnes. Son dessin drôle et coloré, ainsi que les remarques caustiques ou bougonnes de ses deux mentors, vous feront réfléchir et rire de bon cœur. Une chose est sûre, à plusieurs, on est meilleur. Le second et dernier livre de cette sélection est un album documentaire jeunesse. Il s'intitule « Amitié extraordinaire » ou « Comment les animaux de tout poil ont appris à s'entraider ». Il est écrit par Marie Lecusia, illustré par Philippe Gaufretot et publié aux éditions Grenouille. Ce petit album de 53 pages tout en couleurs se propose d'explorer divers types d'interactions entre animaux d'espèces différentes, classées en catégories d'amitié plus ou moins probantes. On nous propose des amitiés harmonieuses, comme celle entre le poisson-clown et son anémone de mer, qui lui assure le gîte et le couvert. Puis on explore les amitiés coopératives, comme celle observée entre le renard et le blaireau, qui peuvent être colocataires dans le même terrier. Ou celle plus opportuniste, comme celle entre le requin et son rémora, qui s'accroche à lui pour profiter de ses restes et du voyage. La dernière catégorie fait référence aux amitiés carrément risquées, voire toxiques, comme celle qui lie le pou de mer à son hôte, la baleine, et permet d'aborder le parasitisme. L'ouvrage richement illustré fait la part belle à l'humour et décortique ce qui marche ou non entre les animaux investis dans ces relations. On y apprend plein de choses tout en riant des conditions requises pour que l'association fonctionne et des potentielles raisons de fin de contrat, de coopération, toutes plus cocasses les unes que les autres. L'ouvrage s'achève sur une touche de tolérance bienvenue avec cette question. Après tout, ne peut-on pas être ami avec n'importe qui dès lors qu'on se choisit ? Bien dit. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepie.com. Je vous dis à dans 15 jours à 17h pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.